Ah oui, ah oui. Okay. À New York. À Paris. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tes rues sont remplies de négros. Des gangsters. Qui veulent rapper comme le roi Ena. Il ne reste plus rien pour vous. Plus un sou. Il faut flinguer pour être comme nous. Oh, canon des gangsters. Viens dans la ruelle. Accostant dans des berlines de luxe d'Italie, comme un parrain de la Sicilie. Longue chaîne en or comme le pape à Rome, procuré par les profits de ma drogue. Le rap 3D HD illustré, pour mieux que tu me comprennes. Plus fort que l'opium, musique classique des mafieux qui fuient le roi et notre ramasse le fric. Revolver à l'appui, puis le ballon en ta direction. Touche de mauvais temps, la punition. Trop de temps laissé vacant pour ces rappeurs bonbons. Cette pute négro n'ont rien sur moi. Je suis le sommet du rap français. Vous n'arrivez même pas à m'escalader. Vous déboulez avec votre rapier qui ne flingue pas. Aucun effet sur les gens. Faut démissionner ou on flinguera. Mon tour d'entasser l'oseille européen. Qu'est-ce que tu crois? Mes nègres veillent tard, cuisine tard. Vente tout le temps, relation mafia. Hein? Ces rues sont remplies de négros. Ils veulent rapper comme le roi Ena. Il ne reste plus rien pour vous. Il faut flinguer pour être comme nous. Le gangster? Ouais. Ok. Qui me cherche? Qui appelle mon nom? Qui me veut? Qui veut rentrer en contact avec le roi Ena? Est-ce qu'il flingue? Flingueront-ils? Ces putes nègres sont faibles devant les gros i. Tactique soviétique, tactique palestinienne. Drapeau rouge, pourquoi le drapeau blanc? Gay, pourquoi le polo rose? Comme Kanye West. Pendant que moi, tu me vois et tu fais des appels de détresse. Tu changes de route, de trottoir. Ma Ferrari est garée, hein? Tu veux voir, tu ne peux même pas voir. Je t'aveugle, les gros diamants dans mon cou d'Afrique du Sud. Hein? Ces rues sont remplies de négros qui veulent rapper comme le roi Ena. Il ne reste plus rien pour vous. Il faut flinguer pour être comme nous. Ok. Ces rues sont remplies de négros qui veulent rapper comme le roi Ena. Il ne reste plus rien pour vous. Il faut flinguer pour être comme nous.